Jésus, je suis aimé, c'est moi. Je voulais savoir comment tu vas. Dans la vie d'une mère, hein. Moi la mienne souffrait pour son fils, hein. Relance CDF, relance du fisc, hein. Beaucoup de parents vivent dans le désespoir, hein. Ils sont séparés sans le savoir, hein. Beaucoup de parents vivent dans le désaccord, hein. Ils sont séparés mais s'aiment encore, hein. Tu peux ne pas m'aimer mais tu peux pas me détester. Tu peux pas me détester, regarde ce que j'ai fait de ma vie. J'ai quitté l'école pour être disque d'or, je suis disque de platine. Tu peux ne pas m'aimer mais tu peux pas me détester. Tu peux pas. Regarde ce que j'ai fait de ma vie. J'ai quitté l'école pour remplir l'Olympia. Je vais remplir Bercy si Dieu veut. La chaleur d'une tombe, la froideur du monde. Je prends les clés, je recommence. AMG performance. La chaleur d'une tombe, la froideur du monde. Je prends les clés, je recommence. AMG performance. J'ai constamment l'impression de perdre du temps. J'ai constamment l'impression de perdre du temps. Propriétaire avant 30 piges, Rolex avant 30 piges, platine avant 30 piges, mais je suis toujours pas tranquille. Tout ça, ça va se terminer. La vie d'artiste, les pillages, les V8 plus turbo, le VIP. Visa infini pour donner le go. Mais quand j'aurai plus la code, ils vont me tourner le dos. Hier, j'ai croisé un rappeur qui m'inspirait quand j'étais gamin. Aujourd'hui, il est tellement tuba que je vais même pas serrer la main. C'est comme ça que je vais finir, moi. C'est comme ça que je vais finir. Non, je suis petit G, je descends d'hélicoptère. Proro sur Oro, me dis pas que j'ai fini tôt, frère. Toute l'année à l'hôtel, comme si j'avais pas de baraque. J'suis dans l'œil du cyclone, ma vie c'est une cataracte. J'ai le plomb, le katana. J'apprécie le goût du caviar parce que je connais trop bien le goût du ton catalan. Raconte pas ta life, le cœur d'un Rolling Stone. J'fais que de parler d'argent car j'ai peur de devenir pauvre. Tous les mecs du secteur A devraient être millionnaires. Je veux pas commettre les mêmes erreurs que mes grands frères. Les rappeurs croient qu'ils sont surhumains. J'ai tellement peur de Dieu que je suis même pas sûr demain. J'ai froid les nuits d'été, je frimais quand j'étais personne. Maintenant que je suis connu, je comprends l'humilité. L'humilité, c'est pas la fausse modestie. Si je crois que je suis fort, je te dis que je suis fort. Si je crois que tu forces, je te dis que tu forces. Et si je t'aime pas, je te le dis plus fort. Je suis petit G, fils de putain. J'ai gardé tous mes feelings sur le cœur. Ma mère a le dernier des Mini Cooper. Mon père voulait un gros moteur, je l'en ai pris un. Ma femme voulait un Lady Dior, j'en ai pris un. Ma soeur voulait un MacBook, je l'en ai pris deux. Je remercie la vie et je prie Dieu. J'ai fait rendre plus la maternelle. J'espère que la maturité m'éloignera du matériel. La chaleur d'une tombe, la froideur du monde. Je prends les clés, je recommence. AMG performance. La chaleur d'une tombe, la froideur du monde. Je prends les clés, je recommence. AMG performance. J'ai constamment l'impression de perdre du temps. J'ai constamment l'impression de perdre du temps. Mm-hmm.